RMC. Alain Marchal, Olivier Truchot et les grandes gueules. Les grandes gueules jusqu'à 14h avec tout à l'heure le président d'Universal, Pascal Nègre, au moment du lancement de la Starac. La Starac, ça vous manquait, vous allez regarder, vous serez au rendez-vous. Est-ce que ce sont de vrais artistes, la Starac? C'est les questions qu'on posera à Pascal Nègre. Rendez-vous au 32-16 ou par internet rmcinfo.fr. Qui autour d'Olivier Truchot et moi ce matin? Alain Soral, Misère du désir aux éditions Blanches, le sociologue sulfureux. J'ai besoin d'un peu de promo. Jacques Maillot, le président d'Eurotunnel. Non sulfureux. Karim Zeribi, le président de Société et Démocratie. Avec nous, et c'est Karim Zeribi qui va avoir la main, comme on dit, parce que Karim Zeribi, dans les grandes gueules, il y a toujours le coup de chapeau et le coup de gueule, et il a son coup de gueule. J'ai mon coup de gueule, je préfère les coups de chapeau, évidemment, mettre des gens à l'honneur, c'est mieux, mais là j'ai un coup de gueule parce qu'il y en a trop. Le énième attentat, la énième attaque contre un Français d'origine maghrébine en Corse, je dis stop, j'en ai assez. L'ethnicisation de notre société, on en a plus ras la casquette. J'appelle les Corses à s'insurger contre cette énième attaque. Les Français d'origine maghrébine sont des Français, qu'ils soient en Corse ou sur le continent. Arrêtons de verser vers l'ethnicisation, le communautarisme, ce n'est bon pour personne. Et moi j'en ai assez de voir effectivement le peuple corse pris en otage par une minorité, hein, comme c'est souvent le cas, de gens qui attaquent, insultent, menacent, agressent, donc des Corses qui paraissent effectivement pas être d'origine corse. Mais ça veut dire quoi d'origine? Moi ça me gonfle ces affaires-là. C'est donc pas les Corses, hein. J'aimerais que l'État républicain qui se dit vouloir faire respecter la loi républicaine, hein, l'égalité républicaine, la règle républicaine, à côté des Corses puissent insurger contre ça, à un moment donné, parce que ça se banalise, et c'est pas bon cette banalisation. Si je comprends bien, c'est la même démarche lorsque certains nationalistes voudraient que ceux qui passent leurs vacances, qui se font construire des villas en Corse, quittent l'île, bah c'est la même chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voudrait que les Français d'origine maghrébine qui sont en Corse... Il faut quand même faire remarquer que certaines puissances ont remis aujourd'hui à la mode la purification ethnique, et que malheureusement, il y a des dégâts collatéraux. Hein. Oui, mais nous, il faut qu'on en sorte, Alain. Nous, on peut pas tomber dans ce piège. Parce qu'à un moment donné, je vais vous dire, si on ne nomme en Corse que des fonctionnaires qui sont de descendance corse, mais on est en train de former des ghettos. C'est insupportable cette affaire-là. Il faut qu'on casse ces barrières géographiques, ethniques, et à un moment donné qu'on arrive à partager des valeurs communes. Et en Corse, c'est insupportable, je vais vous dire pourquoi. Parce que la grande majorité des Corses, à mon avis, est ouverte, effectivement, à la République. Et on a une minorité qui prend en otage tout le monde. Donc c'est mon coup de gueule. Aujourd'hui, en Corse, il faut cesser ces attaques. Moi, surtout, je voudrais comprendre, les Corses, ils viennent d'où les Corses? C'est bien un peuple d'immigration, non, les Corses. C'est une île, c'est insulaire. Ils sont venus de l'Italie, ils sont venus de Gênes, ils sont venus de... Non mais ils ont, on va dire, entretenu une forme d'insularité, effectivement, qui veut les rendre à part et spécifiques. Mais qu'est-ce qu'on en a à faire de ça? Donc, en fait, que ce soit une île ou pas une île en Corse, à un moment donné, d'aller et de venir. Ceux qui devraient quitter la Corse aujourd'hui, c'est 1000 types qui font du mal à tout le monde, quoi, en fait. C'est ceux qui veulent rester et faire partir les autres, ceux qui devraient se barrer pour que tout le monde vive tranquille en Corse et travaille. C'est un millier de types. Surtout que je crois que ce franco-maghrébin nationaliste, un artisan adulte, travailleur, c'était pas... Jacques Maillot. La présentation d'Alain Marchal, c'est encore un raccourci. C'est un peu son problème. C'est pas un millier de types. C'est pas 1500. Mais non. Tu es d'accord avec moi, Jacques, que la majorité des Corses... Je suis d'accord avec toi. Mais il y a eu des élections régionales, les Corses se sont exprimés. Mais il y a 17% qui représentent une tendance nationaliste. À un moment, elle a représenté jusqu'à 25%, même au bord des 30%. Alors, je suis complètement d'accord avec ce que dit Karim, mais je crois qu'il faut tenir compte de l'insularité. Oui, parce que c'est quand même pour ça que c'est si beau la Corse. Mais oui. Que ça n'a pas été bétonné comme la Côte d'Azur. Ah oui, ou comme la Valère, chaque fois qu'il y a un promoteur qui a voulu venir pour bétonner, faire du tourisme, on a fait péter son bureau. Non, mais... Et quelque part, cette espèce de sentiment national agressif, ça a préservé la beauté de la Corse. C'est-à-dire, évidemment, c'est pas tout à fait faux. Hein. Entre bétonner la Corse et entretenir... C'est bien, je fais toujours l'avocat du diable. Mais on ne réglera pas. Parce qu'on aime aussi en Corse cette insularité, cette espèce de virilité. Et les Corses, c'est les seuls, quand les gendarmes les emmerdent, ils attaquent la caserne. Une Corse, uniquement sans intervenir des policiers, on le réglera par le dialogue, on le réglera par la concertation. C'est très difficile, c'est très long, mais il y a des structures en Corse, il y a une assemblée régionale, c'est dans le cadre, c'est avec les élus qu'on doit arriver à régler le problème. Les policiers, on en parlait à l'instant avec Jacques Maillot, les policiers britanniques et la justice britannique, elle a trouvé une bonne solution. Au moment où en France, Pierre Bédier, dans le gouvernement, juste avant, Pierre Bédier était le monsieur prison, il n'aimait pas qu'on lui dise, mais c'était le monsieur prison, parce qu'on construit des prisons en France, en Grande-Bretagne, ils mettent des bracelets électroniques aux récidivistes violeurs, aux délinquants sexuels, aux maris qui frappent, et on les suit par GPS. Donc c'est la prison sans barreaux en Grande-Bretagne. Sur le violeur, il met tout le bracelet. Sur le violeur, ils le mettent à la ceinture et au poignet. Non, mais ce qui est nouveau, c'est que, parce que le bracelet électronique, ça existe en France. Exactement. Mon cher Marshall, et on n'a pas attendu Pierre Médier pour mettre ça en place. Mais là, on les suit par GPS. Non, la première dans cette prison sans barreaux, c'est effectivement que ça concerne tous les criminels, 120 pédophiles, des maris et compagnons violents, des violeurs qui donc ont été remis en liberté sur parole. On va les suivre à la trace et dès qu'ils dépasseront les zones non autorisées, les zones d'exclusion fixées par le juge, ben on pourra les rattraper. Alors a priori, ça paraît, moi je trouve pas mal pour effectivement lutter contre la surpopulation carcérale, mais en même temps, il faut que ça marche ce système, hein, parce que c'est quand même un système technique, ça repose sur une technique. Et si jamais le satellite tombe en panne, qu'est-ce qu'on fait ? Il y a deux points de vue, hein. Il y a le point de vue de l'incarcéré, puis le point de vue de la victime. C'est-à-dire que moi je vais être généreux, mais je me pose la question du mec dont la fille a été violée, qui croise le violeur dans la rue au supermarché. L'effet d'angoisse que ça peut produire. Alors attention, hein, je suis pas pour l'incarcération, mais je me dis il y a quand même deux points de vue quoi. Moi je crois qu'il faut utiliser ce système dans le cadre effectivement de la présomption d'innocence et au lieu de mettre en place la détention provisoire, on pourrait utiliser ce système. Dernier exemple, Outreau. On a incarcéré des gens. Ce sont des condamnés. Ce sont pas des, ils sont pas en préventive. Non, mais en France, on pourrait déjà généraliser le bracelet en France sur cela. Parce qu'outre, si on a mis un bracelet à des gens qui sont aujourd'hui innocents, ils seraient pas devant le ministère de la Justice à demander 300 000 euros chacun d'indemnisation. Ils auraient pas passé 7 mois en prison, et ils auraient pas eu leur famille détruite avec leur vie sociale. Donc déjà, utilisons, à mon avis, majoritairement ce système pour les gens qu'on incarcère alors qu'ils ne sont pas aujourd'hui reconnus coupables. Et puis après, pour les petits délits, moi je suis favorable effectivement à ce qu'on ne remplisse pas nos prisons et qu'on mette les gens sous surveillance avec un bracelet. Moi je suis pas du tout contre, ça peut être positif ça. Jacques Maillot. Moi je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Karim, et je trouve que ce que font les Britanniques, moi je suis pour. Alors, un seul point où ça me gêne, sur les pédophiles et sur les violeurs, je demande vraiment à suivre de très près comment ça va se passer. Parce que là, c'est peut-être quand même vraiment même. Il faut vraiment que le GPS. Pour que ceux qui nous écoutent comprennent. En Angleterre, aujourd'hui, les pédophiles reconnus et des violeurs reconnus portent le bracelet et ne vont pas en prison. Et je vous pose une question. Non, c'est sur les coupables. Alors, ils ont été condamnés, remis en liberté sur parole, oui. Avec autour de la cheville, donc un bracelet électronique, relié à un système de GPS, il y a une petite boîte noire, et le satellite les suit. Ils ont effectivement pas le droit de se balader n'importe où. Non, parce que justement, à la soirée, ils n'ont pas le droit d'aller dans le quartier de leurs victimes. J'imagine qu'il y a des zones d'exclusion. Oui. Effectivement, on peut se demander, pourquoi des violeurs et des pédophiles, parce que si le satellite tombe en panne, ce sont quand même des types malades, et des pervers qui profiteraient de l'occasion pour... On fait de l'éthique, on oublie l'aspect principal qui est l'aspect économique, c'est qu'aujourd'hui, construire des prisons ça coûte très cher, et qu'en fait, comme en plus c'est généreux humainement, les laisser dehors avec un bracelet ça coûte 100 fois moins cher que nourrir, loger dans une prison. Oui, mais allez, et de toute façon c'est l'avenir en même temps. Parce que soit on fait des prisons, des entreprises économiques, et on leur fait faire du Ikea comme dans les pays nordiques, soit on est dans une logique qui est la nôtre, c'est-à-dire qu'ils ne travaillent pas et ils sont nourris, logés, ça coûte trop cher au pays, et aujourd'hui on a un problème de surpopulation carcérale, et donc la logique du bracelet sous couvert d'humanisme, c'est de toute façon l'avenir d'un point de vue économique et général. Non, parce qu'il n'y a plus d'argent Il y a d'autres solutions pour répondre à ça. Il y a les prisons privatisées. On peut effectivement demander à des entreprises. C'est ce qu'allait faire Pierre Médier. Voilà, Pierre Médier. Il y a toujours pas une de construire. Est-ce que c'est moral aussi? Moi, je veux dire une chose. Je veux dire une chose, parce que tout à l'heure, quand je me suis exprimé, j'étais favorable effectivement au bracelet sur les cas de présomption d'innocence. Et là, je réitère ce que j'ai dit. Sur les petits délits, je réitère ce que j'ai dit. Mais attendez, sur les violeurs et les pédophiles. Alors moi, je suis clair. Pour moi, la justice française aujourd'hui est trop laxiste. Moi, je vais vous dire une chose, je vais pas être réac ou pas réac, j'en ai rien à faire. Le bracelet pour les violeurs et les pédophiles, c'est niette pour moi. Ces gens-là, enfermés, dangereux, et éventuellement qu'ils ne sortent plus. Parce que si vous arrivez ça à vos enfants, moi, je vais vous dire, est-ce que vous accepteriez qu'il ait un bracelet, suivi par GPS ou pas GPS, j'en ai rien à faire, et que le type soit dehors. C'est une honte de penser ça. C'est pas ça la société de progrès. Non, c'est pas l'humanisme, ça. Hein. Karim Zeribi, aujourd'hui, pour les délinquants, pour les violeurs, pour les pédophiles, ce que vous voulez, il y a des peines. peine et il y a des systèmes de remise de peine. Au bout d'un certain temps, la personne sort. Mais il faut arrêter sort. Ça. Il faut oui. arrêter. Alors, ça. Alors, on revoit le code pénal pour les pédophiles, mais pour le moment, les personnes sortent. Donc, deux solutions pour qu'elles sortent. Soit on les suit, soit on les soigne. Le soin, on sait qu'il y a des difficultés pas, parce qu'il faut que la personne soit pas. Volontaire, donc ça ne marche pas. Donc on les garde. Alors, si, puisqu'on ne peut pas les garder, mais pourquoi on attendez, peut pas. Olivier, on la loi est mauvaise, on la change. Oui, mais pour le moment, les secondes, s'il vous plaît. Laissez-moi finir, Soral, flûte, et maillot aussi. Je peux en placer une. Donc aujourd'hui, vu le code pénal, puisqu'il n'a pas été changé, ils sortent. Puisqu'ils sortent, autant savoir où ils sont. Pour savoir où ils sont, un bracelet électronique. Avec un GPS, relié au commissariat, c'est ce qu'il fait en Angleterre, une zone d'exclusion, dès qu'on voit le type approcher des enfants de chez Monsieur Zeribi ou de chez Monsieur Marshall, alors qu'il a commis des... Mais la seule châtiment qui intervient. Moi, sur ce que tu dis, je demande à nos auditeurs de nous faire part de leurs sentiments, téléphoner, envoyer des... prison à perpète en changeant le code pénal. Alors c'est le 3216 pour intervenir, vous passez par internet. Et appelez, dites ce que vous pensez, parce que là, on ne peut pas laisser les braqueurs de banque. Une petite chose quand même, tous les citoyens qui sont en prison ne sont pas des pédophiles et des violeurs. Mais c'est eux qu'il faut se prendre en prison, parce qu'on ne peut pas les mélanger aux autres. C'est pour ça que je veux dire, c'est pour ça que cette proposition est intéressante. Je vais reprendre un exemple, parce que j'en ai parlé par deux fois. Je pense qu'on pourrait mettre un bracelet à Jean-Charles Marchiani. Ouais, voilà une proposition concrète. Oui, très franchement. Oui, voilà. Ok. Oui, je réponds oui. Et même Alain, on a choisi cette population-là. Je vais vous dire pourquoi. Alors, parce qu'on ne peut pas les mettre au milieu des autres, parce qu'ils se font tuer par les autres. Alain Soral parlait de braqueur de banque tout à l'heure. Je vous dis oui aussi. Bien sûr. Parce que pour moi, un braqueur de banque avec un bracelet qui suit, il est moins dangereux, il n'est pas dangereux que même pédophile. Mais on est tous d'accord là-dessus. Mais il faut que nos auditeurs nous le disent. Appelez-nous, parce que ça, c'est intéressant. Les Anglais s'en foutent. Les réactions aussi par SMS, puisqu'on peut nous réagir par SMS en tapant GG comme grande gueule. On fait ensuite un espace, on envoie le message, on envoie ça au 61-068. Il y a Gérard par SMS qui dit « Restituer la relégation pour certains détenus vers les îles Kerguelen ». Donc lui propose le bagne. Jérôme nous dit « Une prison sans barreaux, est-ce vraiment une prison ?» Question. Qui c'est qui a dit « C'était pas mal le bagne ?» Ouais. Soral, c'est Soral. Mais ça peut être pas mal. L'île du diable. Les pédophiles sur l'île du diable, ils sont entre eux. Ah bah ils sont libres. Ils font de l'agriculture. Bah, vous avez vu Papillon. Ils font pas que de l'agriculture. Non mais même s'ils sont libres entre eux, c'est leur problème. Ils sont libres. Ils sont loin. Soral. Bon, alors, moi je vais me faire l'avocat des Anglais parce qu'il y a quand même un argument qui est pas mal, qui mérite quand même d'être entendu, développé par le ministre de la Justice anglaise qui nous dit avec ce système ça va faire baisser le taux de récidive de 15%. Parce que le problème en France, lorsque le violeur, le criminel ou n'importe qui fait sa peine, il a fait sa peine, c'est normal, il sort de prison, mais il n'y a plus aucun suivi. Et on s'aperçoit, Fourniret, c'est exactement ce qui s'est passé, que quelques années après, il a recommencé. Ça, c'est ça permet de les suivre une fois qu'ils sont sortis de prison. Et donc de les rattraper si jamais ils recommencent, ou simplement de leur faire peur, et peut-être que certains recommenceront. C'est encore Olivier. Ça veut dire qu'il a purgé sa peine, le type. Il est normalement en liberté. Non. Tout à l'heure, on disait le pédophile qui, au lieu de faire sa peine, est suivi par un bracelet. Ça, c'est inacceptable. Par contre, celui qui a purgé sa peine et par souci de suivi, effectivement, lui-même bracelet. Là, ça me choque au moins. Mais vous savez très bien qu'il y a des remises de peine et qu'en général, la plupart de ces délinquants sont remis en liberté quelques mois avant la fin de leur peine effective, et ça permet justement de faire ce fameux suivi. Suivi qu'on pourrait faire avec ce bracelet. Si je voulais faire une synthèse, c'est que l'histoire du bracelet, c'est bien, on n'a pas choisi la bonne population à kilomètre. Exactement. C'est pourquoi les pédophiles et les délinquants. Et je vais vous donner la raison. Parce que c'est ceux qu'on n'arrive pas à mélanger avec les autres dans les prisons surpeuplées, parce que les autres les tuent, hein. Ils sont en danger de mort, hein, les pédophiles dans les prisons. Mais il faut leur faire des quartiers particuliers, des prisons particulières. Ça coûte très cher. Donc en fait, le choix n'est pas moral, le choix est économique. C'est parce qu'en fait, c'est ceux qu'on n'arrive pas à mélanger avec les autres dans les prisons, donc on les sort plus vite que avec des bracelets. C'est donc le choix n'est pas moral mais il est économique. C'est ça qui est un peu gênant toujours, c'est qu'en fait quand on creuse le dossier, c'est on voit toujours que c'est des la logique c'est le paramètre c'est sur le moindre coût, voilà. Voilà, en économie de marché. Mais je de voir un pédophile avec un violeur avec un bracelet. Ça m'horripile. Excusez-moi, mais je suis un peu irrationnel quand on parle de ces questions-là. Et moi, à un moment donné, c'est vraiment perpète parce que c'est inacceptable. Inacceptable. Alors, je suis pas pour le retour à la peine de mort parce qu'effectivement, je pense que c'est diable, c'est pas mal. Hein. Mais l'île du diable, l'isolement à vie, Dustin Hoffman dans Papillon à la fin, c'est sympa. Pour faire ce que tu dis, Karim, faut réformer, comme l'a dit tout à l'heure, faut réformer le code pénal. Réformons la solution. Sur ce point, Voilà. Réformons-le. Donc si. Aujourd'hui, la piste à privilégier, on le sait que ce sont de toute façon une alternative à l'incarcération, à la détention préventive. À la surpopulation des prisons. À la surpopulation des prisons. Réaction par SMS, celle qui arrive là. Le bracelet, ok pour les voleurs, les escrocs, mais pas pour un pédophile ni un violeur. Moi, pour les pédophiles, j'appliquerai la méthode chinoise, nous dit Tom. Je ne sais pas quelle est la méthode chinoise. C'est de l'émasculation, je pense. C'est de l'émasculation. Monsieur pense à l'émasculation, je pense. Assez radical, voilà. Et puis, on devrait les enfermer à vie ou les tuer. Pas d'autre solution, c'est ce qu'il est écrit. Khalid, par SMS. Bilal est avec nous. Bonjour, Bilal. Oui, bonjour, messieurs. Bonjour, les grandes gueules. Bonjour, Bilal. Alors, moi, j'appelle concernant donc ce fameux bracelet électronique. Je suis tout à fait d'accord avec Monsieur Zeribi. Et d'ailleurs, je voudrais complètement le féliciter par rapport à ce qu'il a dit. Merci, Bilal. Je suis actuellement en voiture, je suis commercial. Et je suis actuellement en voiture et j'étais en train de bondir en voiture. Parce que personne réagissait justement contre ce bracelet, dans le sens où on peut pas remettre un bracelet électronique à des gens qui sont complètement dangereux. Bien, des gens qui sont psychologiquement atteints, comme les violeurs ou les pédophiles, et quelque part, c'est leur remettre, à la limite, c'est leur redonner une chance de faire une chose qui est quand même très très grave. Donc je suis complètement d'accord avec M. Jérémy, et c'est pour ça que j'appelle. Bilal n'a pas confiance dans le bracelet électronique. Donc le bracelet électronique doit servir à ceux, effectivement, qui n'ont pas de raison d'être en détention préventive. Mais, messieurs, on va terminer avec ça. Proposition, bracelet électronique pour les petites peines, la petite délinquance, et pour aussi éviter de mettre des gens en prison. Un point agressif pour le petit peuple. Un braqueur de banque de haut vol n'est pas nuisible pour la ménagère. On peut lui mettre un bracelet. Et pour éviter de mettre en prison des gens qui n'ont pas encore été condamnés, on peut leur mettre un bracelet, on sait où ils sont, et lorsqu'il y a procès, on les retrouve. Ça, c'est normal, ça, c'est une bonne justice. Les prisons est criminogène. Et j'ai expliqué pourquoi on avait choisi cette population-là, parce qu'on peut pas les mettre au milieu des autres prisonniers, il faudrait construire des prisons pour eux, et que ça coûte trop cher. Voilà. Donc, remettre le paquet. Faisons de la place, donc, avec les bracelets électroniques, et les personnes qui n'ont pas lieu d'être en prison, ça permet de faire de la place pour ceux qui doivent véritablement y être, rester isolés, et rester enfermés. Les grandes gueules, avec un dernier message, là, celui de, comment s'appelle-t-il? Là-bas, il met pas son nom, il dit grande gueule, pour moi, le bracelet reste tout de même un moyen convaincant et cadre contre le bracelet pour les violeurs et les pédophiles, et Xavier, par SMS aussi. Il faut les exclure de la société. On est d'accord là-dessus. L'île du diable. Alain Marchal, Olivier Truchot et les grandes gueules.